ma bêche la tissue, les mettre puis d'avoir maman, on va côté ma bébé. Hier soir à dormir, la mort de mon ambier, où était ma terre maman, on va dormir soir. Hier soir à dormir, la mort de mon ambier, où était ma terre maman, on va dormir soir. Comme ça. maintenant, c'est beauté, pour beauté, pour beauté. Oui. Oh. Thank you. vingt ans. Allons, raton, raton, raton, raton. Papa dormi. Raton. Avant, on met dormi dans la vie, planche. Et job bon, même.